Il y avait une fois un Indien marié, plusieurs fils à deux, à l'exception du dernier né qui s'appelait Hazard. Un jour, cet Indien était à la chasse, les frères. Saison des pluies. On les voit apparaître dans le ciel, tout propres et rénovés sous l'apparence des sept étoiles des Pléiades. Ce mythe nous retiendra longtemps. Céleste, saint, terrestre, pluie douce de la saison sèche, pluie orageuse de la saison des pluies. Oh,